給料日がっぽり手にした三万両ドカンと一発当てようとそろばん弾いて一攫千金夢見れば飲み屋の母ちゃんに捕まったあついてねえな何かがっぽりねえかしら 何かがっぽりねえかしら 酒を飲んだら飲み屋ががっぽり飲み屋が儲けりゃ税務署がっぽり税務署儲けりゃお国ががっぽり損をするのは俺一人 あまったくねがっぽりがっぽりがばりとがっぽりよいとなよいよい そら待ちに待って転売でがっぽり積もった大三元株かおいちょかクッピンかそろばん弾いてにっこり笑えばありゃちょんぼ怒鳴られ取られて丸裸あついてねえな何かがっぽりねえかしら 何かがっぽりねえかしら 社長ががっぽり社長が儲けりゃ息子ががっぽり吸って損をするのは俺一人 向こうの口がっぽり財産五千万おまけに土地付き五万坪そろばん弾いて素敵なグラマに抱きつけばせんべ布団で目が覚めたあついてねえな何かがっぽりねえかしら 何かがっぽりねえかしら Souvent, on ridiculise la reine. Pas la reine de trop de bière, la reine d'Angleterre, là. Ah non, non, non. La reine de la patate! La patate sauce! Oui! Celle qui trône à Masquilongé. Ouais, Masquilongé. Pour les touristes, parce que nous sommes tous des touristes dans ce monde, nous passons un après l'autre, comme des moutons. Un beau zoo. Deux beaux zoos. Un beau zoo, deux beaux zoos, trois beaux zoos s'en vont bosant. Y en a-tu des bosses et bosants? qui ne l'est pas, tire la première poutine. Un, deux, plus, trois, mais c'est un nouveau, un essai, un marina, c'est une roi. Alors, pour venir à la reine, non pas la reine de trop de vieille d'Angleterre, mais la reine de la patate sauce. Hey, qui n'aime pas la patate sauce me tire sa friture en plein visage. Allez-y, allez-y. On commence comme ça, là. Nous autres, on est rock'n'roll dans l'ouverture, là. J'aime bien l'ouverture rock'n'roll. Oh, avec l'âge, là, j'en demande davantage. Moi, j'en veux. De la surenchère, de la chair, de la chair, de la chair. Bien frit, là. À point. croustillante, pas molle, parce que pendant toute ma vie, j'ai rencontré de la molle. Ah, oh, de la belle grosse pâte molle. Oh, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, là. Oh, non. Je vais rester à la maison, je vais regarder la télévision. Pourquoi pas la radio? Oh, pas la radio, on voit pas les images. Non, mais dans ta tête! Dans ma tête, j'ai... Dans ma tête... Maman, j'en ai su une, mais j'en ai... Hey, hey! Ah, attention, là, il va dire quelque chose de très intelligent, là. Montez le son, ça vaut la peine. Êtes-vous prêt? Hey, j'ai une tête! Oh, monsieur! En fait, vous avez un buste. Vous êtes un monsieur? Ah, je ne sais plus, je ne sais pas. Excusez-moi, là, on dirait que toute la matière vient de refaire un tour. On appelle ça le cycle intellectuel. Hey, ça, c'est bon, là. Dans les universités, avez-vous appris ça, le cycle intellectuel? Écoutez, Copernic, Tabarnouche, Tapernouche, Tabernic, Tabernac, donc c'est Copernic! Copernic, le grand penseur Copernic. Je connais pas. Moi, le Copernic, il reste à quel endroit, là? À Matane ou c'est à Masquilongé? Hey, si Copernic habite à Masquilongé, il est chanceux. C'est pour ça que c'est un penseur, là. C'est un gars qui réfléchit sur la planète, là. Il fait beau là-bas, il fait très chaud. Hein? Le soleil brille, il y a la mer. Il y a des belles personnes qui se promènent, des demoiselles qui sourient. Hein, les dents blanches. Hey, c'est pas des dents, ça, madame? C'est une prothèse. Qui est votre denturologiste? Pourquoi les denturologistes ne placent pas, hein, leur marque de dents sur les prothèses? Comme ça, la personne sourit. Ah, oh, c'est qui, c'est? Bertrand Barnabé, denturologiste. Okay, je peux. Souris encore, je vais prendre le numéro de téléphone. 418-5-2-640-25. Excusez-moi, vous avez un épi de mayonnaise, là, c'est là. Ouais, pouvez-vous la tasser? Mais ça me dérange. Est-ce que ça vous dérange si je me mets le doigt dans votre bouche? On se connaît pas encore, mais ça pourrait être une rencontre intéressante. OK, attendez. 640. Oui, souriez plus, là. Ouvrez la babine. 20, est-ce que je peux moi-même prendre le doigt pour retirer la... Il y a comme une petite bave, là. C'est quoi? C'est... Oh, vous venez de passer à la table. Bon, ben je vais repasser. Prenez une petite gorgée de Porto, là. Mais c'est pas le... Saviez-vous que le Porto se boit pas avant le repas principal? Non, c'est après. Mais vous connaissez... Oui, ouais. Le protocole, ça, non, hein. Quoique vous avez le code de la babine, pas mal... Je peux pas voir le reste des autres chiffres, là. Hey, vous avez une belle prothèse. Vous l'avez réussi, hein? C'est vissé, ça. C'est collé. C'est quoi, là? C'est remis à neuf. Ah, remise à neuf. Hein, moi, ça coûte pas cher, j'espère, là. Ah, ça vient du Zimbabwe. Ben voyons donc, Zimbabwe, ils font pas de prothèse. Ah, est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre? Eh, ça colle bien à votre réalité, hein? Bon. Alors, est-ce que je peux. Excusez-moi, là, je m'interromps moi-même, là. J'ai le droit? Bon. C'est parce qu'il me reste les deux derniers chiffres, OK? Bon. OK. J'ai le 88. 640-25-60, puis là, je suis pas certain. Est-ce que je peux prendre le doigt? J'ai le doigt propre. J'ai un doigt magique, moi, hein? J'ai fait de la prison pour ça. Hein, pardon. Bon, OK, attention. 25-75! 640-25-75! Il me semble que ça dit quelque chose. Alors, attendez, je suis membre de ça, moi, là. Vous avez une prothèse membre certifiée ou membre honorable? Hey, je suis assis sur un paquet de cigarettes. Oh non! Oh, monsieur! Là, les gens vont dire, Renan, elle n'est pas fumeur. Ben, je sais, je ne suis pas fumeur. Mais je suis aidant naturel. Donc, j'achète des cigarettes pour d'autres personnes qui ne peuvent pas les acheter. Là, je me suis assis dessus. Tu parles d'une idée. Fumer des, j'allais dire manger, fumer des cigarettes écrasées. Oh mon Dieu! Est-ce que c'est comme les papayes, là, quand ils sont cassés, ça fait des miettes, tu vires le carton à l'envers, la bouche en dessous, pis t'aimes ça, là? Non, c'est pas la même affaire, hein, mon petit garçon. Ça, là, si tu ouvres la palette, tu te prends une cigarette, tu te l'introduis où tu veux, mais moi, je te conseille au niveau buccal. Quoique des expériences de fin de semaine, ça se peut. Hein? Oh, tu te rappelles, ma petite Chantal? Oh. on l'appelait CC. Hein? C'est à peu près ça. Là, on était toujours un peu déçus hein, avec sa petite Chantal. Là. Petite Chantal qui a amplifié avec les années. Quoi. Non, elle a amplifié son QI. Fait des études universitaires. En littérature. Elle est caissière. Triple foyer. Elle ne voit plus rien. Elle a tellement lu de livres. Hein, monsieur. Mais des livres insignifiants, mais insignifiants. C'est... Quand on lui monte une œuvre majeure, là, exemple, là, rapidement comme ça, là, Marguerite Duras. Elle est déjà fermée là-dessus. Ah, mon Dieu, fermée. Mais là, votre numéro de téléphone en passant sur les babines, là, 640-2575, c'est quoi, réel? Ça vient de me revenir en parlant de même, là, puis en écrasant le paquet de cigarettes. Eh, hey, pauvre maman qui va fumer des cigarettes toutes écrasées. Maman, je m'excuse infiniment, je voulais pas. Eh, hey, quoi, je suis en train de faire de la vie privée en direct, là. C'est écrit à l'INIA 35, hein, du pamphlet, du parfait, radiodiffuseur, radio, animateur, radio. Ne jamais parler de sa vie intime. Pour être un bon animateur. Mais moi, je vise le mauvais. Toujours le mauvais. Parce que quand j'étais petit, je me blessais, là. On me dit, attends, là, on va sortir le mauvais. Pourquoi pas? Je veux être le mauvais, moi, là. Je veux purgiter du mauvais, là. Je veux pas qu'on m'aime. On t'haït. T'es pas gentil. Tu pues. T'es violent. Tu frappes tout le monde. Mais quoi que... Écoutez, là, je me promène, moi, là, en béquille. Je me suis cassé trois jambes, là. Ouais, normalement, on en a deux, mais moi, c'est trois. Je me prenais pour... comment tu l'appelles, toi, là? Hum? Le spirale, spirou, spirale. Le cheval spirale. De Walt Disney, là. On m'a obligé d'écouter ça quand j'étais amoureux d'une fille qui avait un enfant. Puis bon, là, c'est la vie intime. Puis les gens aiment ça quand on parle de tout ça. Parce qu'ils peuvent tranquillement se brosser un portrait psychologique de l'individu. Il faut, en 2014, brosser un portrait psychologique. Sinon, on est comme dans un néant. Hein? On ne sait pas à qui on s'adresse. Puis on veut connaître les individus. Pas justement, on veut pas rien savoir de ton nom, ton prénom. Mais ça, c'est rien. Là. Puis souvent, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais quand même, le nom, le prénom forge l'individu, la personne. » On va arrêter de dire individu, la personne. Hein? Ça façonne. Son futur, faut-tu être assis, hey, Roger, je m'appelle Roger, moi, là, ça me façonne en tabarnouche, moi, là. Tabarnouche, c'est une façon, quand même, un manque de vocabulaire. Parce que j'aurais pu dire, ça façonne en illumination précoce. Est-ce que j'allais devenir, voyons donc, toi, Roger, j'ai fait ma vie, moi, là, autrement parce que je m'appelais Roger. Hey, Gaétan, j'aurais été un tout autre individu. Arrête d'individu. Non, mais je serais devenu chanteur pour grenouilles. Gaétan, chanteur pour grenouilles. Le soir, devant un univers. Les grands succès des Beatles en grenouilles. Rabbit. Rabbit. Rabbit. Rabbit. Breaded, breaded. Ça, mon mari le faisait il y a quelques mois en sortant d'un bar. C'est là que je l'ai dirigé dans un hôpital, ben il était avec une pitoune. J'ai dit voodoo. Ben, plutôt que de me fâcher et de vous éliminer. Moi, je suis une violente. Mais quand je fais des affaires bizarres de même, là, surtout que je suis marié depuis 28 ans. 28 ans que j'endure une espèce de corps qui griffe, de corps minif, de corps malade, de corps aux pieds. Là, je vois sortir d'un bar, hein, monsieur, avec une orgeuse. Celle qui se remplit la gorge, là, une popoune. Hey, moi, de la popoune. Hey, j'ai peur d'avoir ça, moi, des allergies. Toujours, je me promène avec mon épopène. T'es-tu prêt? Oui, j'ai l'épopène. Fais-moi manger n'importe quoi. Manger de la chenoute, manger de la bout de table. Épopène. Hey, c'est facile, hein? T'enlèves le A, tu tires le B, tu rentres le C. Aïe, donc. Hey, je me suis rentré ça dans l'œil, moi. Le jus de l'œil. Ça giclait, hein? Jus de là, giclait. Ah, c'est tabarouette. Hey, là, on était rendu sur quoi, là? Bien sûr, Madame d'Angleterre. Hey, Madame d'Angleterre, j'ai bien des choses à vous dire. On aimerait ça se dégriffer de vous. Vous êtes belle, charmante, riche. Vous payez de l'impôt, au moins, depuis quelques années, c'est très bien. Ah, alors, la reine de la patate sauce. Oui, celle qui trône à Masquilongé. Hein, on a du sens, hein? C'est la partout, j'ai été brisé, on a du sens. C'est une mission qui n'a pas de sens, là. On tourne vers la gauche, puis on arrive vers la droite. Hein, mon Dieu Seigneur. On voulait faire une ouverture d'improvisation, on ne pourra pas le faire. C'est là que ça se passe. Oui, celle qui trône à Masquilongé, on sait que c'est où. On sait que Masquilongé est un endroit subtil pour prendre des bains de soleil, des bains tout court. Et des bains corbillards. Ça, c'est quand t'es trop cuit. Il me semble que ça sent le mort, Raymond. Peux-tu appeler le 92-17-53? Corbillard va passer, il va le ramasser. On met pas ça dans un sac à... Non, on dépense pas un sac à... Il est déjà cuit, là. C'est quoi? C'est du charbon de bois? Ça fait 2 mois? C'est du charbon de bois. Charbon d'année, c'est autre chose, ça, là, c'est dans 3 ans. Là. Oh, mon Dieu. Ça, c'est comme la cuve de vin. Ah oui, pour venir à patate sauce, parce que allongé dans sa cuir. Ah, d'abus. Souvent, ça va bien, vous? Public, je suis heureux de vous rencontrer ce soir. Non, dans une intimité quand même assez nocturne. C'est rare que je fais mes vendredis à cette heure-là. Là. Normalement, je demande le biberon à quoi? À minuit et quart, là? M'entendez pleurer? Ah, c'est bon, hein? Je me rappelle encore, moi, là. Je fais beaucoup de... Comment t'appelles ça, là? Passer... la régression. On dirait un nom. Bon, OK. Mais je suis entre l'âne et le nouveau-né. Entêté comme l'âne et têteux comme le nouveau-né. C'est moi, ça. Rénal Gagné. Têteux comme le nouveau-né. Entêté comme l'âne. Souvent, on ridiculise la reine. Pas la reine de trop de bière. Oh non, d'Angleterre. Ça, c'est un jeu de mots très, très facile. Là. Comme disent les jeunes. Là. Hey, c'est pas chiant. Moi, j'ai... Attends, mon petit cul, là. Qui manque de vocabulaire. Ouais. C'est que poche, pour moi, c'est un jeu de poche. Ou c'est des poches de thé. Ou c'est des poches sous les yeux. Mais quand c'est poche, pour moi, c'est pas cette poche-là que j'aimerais entendre. Excusez, j'ai eu comme un hoquet de poche. Parce que pour moi, l'imperfection linguistique est aussi ravageur que la semence électrique. Comme j'ai manqué un bout, moi, là, il s'est passé des affaires électriques, semence électrique. Il voulait dire, ah, OK, il voulait dire clémence électrique. En tout cas, je sais pas. Quoi? Ficelle électrique. On peut-tu commencer avec la reine, OK? Mais la reine de la patate sauce, oui, celle qui trône. Attention, là, les gens ont perdu peut-être un peu le sens, là. Souvent, on ridiculise la reine. Ça fait 25 fois que tu le dis. Ben, voyons, donc, ils s'en souviennent même plus, là. Ils parlent entre eux, là. Hey, comment ça va, ce soir? Oh, oui, j'ai rencontré la belle Simone de Trou-de-Bois. Combien de glaces? 2 glaces, pas de sucre. Oh. Souvent, on ridiculise la reine. Pas la reine de trop de bière. Oh non, la reine d'Angleterre. Mais non, même pas la reine d'Angleterre. La reine de la patate sauce. On la ridiculise, oui. Celle qui trône à Masquilongé, allongée dans sa crémeuse. Aimez-vous ça, monsieur? Vous, une belle crémeuse de 25 ans d'âge. On parle toujours de sauce, là, hein? Comme le bon vin, cet élixir de la patate doit vieillir. Elle devient plus allumeuse sur la pomme de terre trop frite, trop croustillante, trop croquante. Chez le médecin. On va se mettre un peu dans le contexte avant de commencer l'émission. Chez le médecin. Le docteur. Bonjour, patient numéro 2012-081. Comment allez-vous? Le patient 2012-081. Ça va bien. Le docteur. Mais pourquoi venez-vous? Le patient. C'est une façon de parler, là. Ça va pas du tout, moi, là. Ah, oh, ça va pas du tout. Regardez-moi le tympan. Le tympan du nez, là. Ah, ça a descendu dans l'oreille. Aïe, aïe, donc. Non, non, mais pourquoi avez-vous... Ça, c'est le docteur, là. Pourquoi avez-vous... Suivez-vous, là, Saint-Dame. Oui, merci. Excuse-moi, je me force souvent, là. C'est mes réactines qui... Mes réagines, ma... Ma réagine, ma gine, ma genèse. Ma genèse qui me remonte à la surface. Parce que moi, j'ai une genèse de 28 ans, là. Comme ça. Je ne choisis pas. On m'a dit, t'as 28 jusqu'à 28 jours. J'ai l'air d'un gars de 28 aussi. J'ai misé le 28. J'ai perdu 28. Donc, j'ai zéro. Je régresse. Alors, le docteur, OK. Pourquoi avez-vous mentionné au départ que vous alliez bien? Le patient, mais voyons donc. Toi, tu connais tout. Toi qui est en haut du bac, là, qui est en haut du recyclage. Là, t'as une maîtrise, t'as quoi? Un doctorat, t'as une pharmaceutique. Là. Pourquoi tu me reconnais pas? Je suis en train d'impressionner, de m'impressionner moi-même dans mon improvisation. Je m'impressionne dans le négatif. Je me dis, ah mon Dieu, c'est la pâleur régression de mon existence. Oh, c'est la pâleur. Attention, écrivez ça, madame. Ma scénariste, c'est la pâleur régression de mon existence. Mettez du gras là-dessus, soulignez deux fois, avec des lumières, des néons. Si vous pouvez mettre des petites lumières de Noël, là, c'est merveilleux. Y a-t-il une petite musique qui va avec ça, là? Tweet, tweet, tweet. Oh, la petite musique, c'est moi, c'est mes réflexions. Le public est là, là, en direct, là, puis il s'en rend compte, là. Tant que là, on est devant un paranormal, là. Pas n'importe quoi, là. C'est pas de la petite émission ridicule, là, d'improvisation, comment t'appelles ça, donc, Hein, Kafka. C'est un cas, ce gars-là, là. Pas Kafka, mais Reynald. Non, c'est quoi Kafka? Ben, c'est ça, là. C'est de l'écriture avec des mots, des livres, puis on les achète, On les prend à la bibliothèque. C'est de l'absurdité, c'est ça, on aime ça, de l'absurde. On perd bien des occasions de rire quand on ne rit pas de soi-même. Sarah Duncan. Ça, c'est quand tu ne sais pas dire le nom, là, tu passes vite. Je le répète, Sam puis répète. Avez-vous un mot à dire, vous, là, attendez? Ouais, mais c'est pas vrai, ça. Ben oui, c'est vrai. C'est une citation de Madame Sarah Brunken. On perd bien des occasions de rire quand on ne rit pas de soi-même. Ouais, mais c'est pas vrai, ça. Ben, ce qui est vrai, c'est que c'est de Sarah Duncan. Il faudrait appeler Sarah Duncan. Est-ce qu'on peut... non, Sarah Duncan. Ça n'existe pas? Duncan, dans le, pas des bangs, Sarah Duncan. C'est une écrivaine, sans doute, une psychologue, une philosophe. C'est quelque chose, là, quelque chose de féminin, intellectuellement... frétillant, de nouveauté... cognitive. Ouais, écoute, on peut pas dire que son côté neuronal... Puis peut-être rénal, ça me rend compte ce soir. Sarah Duncan. Il me semble qu'il se passe quelque chose à ce soir. Entre Sarah et moi-même. Là. Le clandestin ne s'éteint jamais en moi, mais au contraire, il jaillit de toute sa lumière pour éclairer les pourtours qui alimentent mes jours. Ça, c'est une de mes citations, c'est de Rénal Gagné. Ça, on ne peut pas faire ça, on est déjà en retard. Vous êtes à l'émission Errance canadienne, en passant, je tourne des feuilles, là. Ça sent l'automne, mon Gaétan, ça sent l'automne! L'automne, c'est le trait final de la vache inquiète. Ah, mon Dieu, je n'ai rien compris. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Aujourd'hui, le vendredi 15 août 2014, les errances rénaldiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Bonne fête en retard à René-Michel Bouffard. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux. Les embarras familiaux. Embarras familiaux. Oui, avec des interstices. Qui se tissent, oui. Des interstices se tissent souvent. À travers les mots, les phrases. Et puis, confions, oublions les abords familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du créateur musical Romain Dillouya. En 2011, le milieu musical parisien commence à bruiser du projet initié par le producteur et multi-instrumentiste Romain Dillouya. Celui qui se fait appeler tout simplement Dillouya et je ne sais pas que si je le prononce bien, D-I-L-O-U-Y-A, est un fond de soul et de funk. Le maxi Running Away, avec la participation de Sly Johnson en mars 2011, est la première manifestation tangible de la voix suivie par Dillouya. C'est toujours sous forme de maxi que sort en mai 2011 The Way It Goes. Cette fois, Sandra Nakate, N-K-A-K-E. Pourquoi je me fais lire des trucs incroyables? Et l'anglais John Turrell. Appelez-vous donc Renal Gagné, ça serait plus simple. En tout cas, c'est pas grave. John Turrell se partage le chant, tandis que King Brit et Beat. Excusez-moi. Beat, là, le beat. Là. Love in the beat, c'est ça. Assaillant se charge de remixer l'unique titre homonyme du maxi. Il faut ensuite attendre début 2012 pour la sortie de l'album proprement dit. Album de M. Dillouya. En juillet 2013, Errance Renadienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet incroyable créateur. Un voyage chargé pour cette nuit estival, faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, s'il vous plaît. Tout le monde s'éclate à la queue-le-le. Tout le monde se marre à la queue-le-le. Tout le monde chante à la queue-le-le. Tout le monde danse à la queue-le-le. Dans les anniversaires, dans les bals populaires, pour les nouveaux mariés, pour la nouvelle année, même dans les discothèques, quand on veut faire la fête, il n'y a rien de plus simple, il suffit de danser. Ah, ah, la queue le le. Ah, ah, la queue le le. À la queue, à la queue. Ah, ah, la queue le le. Tout le monde s'éclate. À la queue le le. Alors on s'éclate comme le maïs. Comme le maïs, on s'éclate. Allez Rita, tu es déjà éclatée. Rita Bibelot, Simone. Tout le monde s'amuse à la queue le le. Tout le monde chahute à la queue le le. Tout le monde s'embrasse à la queue le le. On fait la fête à la queue le le. Ah, à la queue le le. Ah, à la queue le le. Aux quatre coins de la France, quand on veut s'amuser, dans les clubs de vacances, en Méditerranée, du nord à la Bretagne et du sud à l'Espagne, il n'y a rien de plus simple, il suffit de danser. Ah, ah, la queue le le. Ah, ah, la queue le le. Ah, ah, la queue le le. Tout le monde s'éclate. S'éclate à la queue le le, tout le monde se marre à la queue le le, tout le monde chante à la queue le le, tout le monde danse à la queue le le, à la queue le le, à la queue le le, à la queue le le. que le c'est comme tu bosses pour ta radio. J'ai vu que t'avais rencontré beaucoup de gens déjà. Oui, là il m'en reste. Est-ce que tu connais Sappho? Sappho, non. Okay, ah, peut-être si. Chanteuse des années 80. Ah, non, je ne connais pas. Ok, ouais. Je suis trop jeune. Ben, il n'y a pas d'âge pour connaître les infos, mais en tout cas... Trop jeune, je suis trop jeune. Ah bon, d'accord. Ah, Rimbaud disait, j'ai 18 ans et je dois tout savoir. C'est ça. Donc... Bah écoute, moi j'ai 13 ans et... Ah voilà, c'est ça. Encore, il te reste encore 5 ans. Il reste encore 5 ans. Alors comment est né le groupe? Ben, en fait, c'est moi le groupe. C'est mon nom de famille, Dilouya, et je suis compositeur. Donc du coup, j'ai fait moi aussi, comme toi, appel à des invités. Ok, des amis. Des amis et qui n'étaient pas mes amis au départ, mais qui sont devenus. Ok, des musiciens. Ah, les musiciens, c'est des amis. Ça tourne, ça enregistre là? Ah, oh, oui, bah oui. Oh la vache. Parfait. Ah, c'est bien, c'est pro. Ok, c'est, ah, oui, bah oui. C'est américain. Ah. Ouais, ben je suis américain. Je sais. Francophone. Donc. Francophone, je sais. Ben voilà. Non, oui, c'est. Voilà, les groupes, c'est les amis. Les musiciens, c'est les amis. Les chanteurs qui ont été donc invités sur ce disque-là. Une partie d'entre eux étaient mes amis. Et d'autres que j'ai eu l'occasion de contacter. Alors des fois c'est des coups de chance, des rencontres, des gens que je croise qui me donnent le contact de manager, etc. Grâce à Internet. Ou pas forcément grâce à Internet. Ok, grâce au spectacle, grâce voilà, au fait de jouer avec. Et puis d'être à Paris où il y a quand même des pas mal de monde et on croise des artistes, des musiciens. Ouais. On se fait des contacts et on fait connaissance, ça se fait comme ça. Oh, tiens, je te donne un numéro de téléphone, tu appelles, allô, t'es intéressé? Oui, pourquoi pas. Et... Mais pourquoi t'as décidé de faire un groupe et non pas Cavalier Seul? Bah parce que je chante pas et puis j'avais peut-être aussi sur ce premier album là que j'ai fait il y a quand même un moment déjà, peut-être envie de prouver un certain nombre de choses, quoi, tu vois. De dire je peux bosser avec plein de gens différents et... Alors tes influences viennent de partout, donc pas... un peu partout, beaucoup de musique soul, de jazz, de funk, de choses comme ça. Et t'essayes dans un album avec Gamy Tussaud si tu veux avoir un propre son, une structure tout à fait différente ou, Par rapport à quoi? Ben, par rapport à la musique que tu écoutes. Si moi j'essaie dans mes disques d'avoir une structure différente par rapport à ce qui se passe. Ben, en fait, un que son et non pas une chanson funk, une chanson rap, une chanson. Ouais, là il faut essayer d'avoir un. Un son. Oui, un son ou au moins un répertoire homogène. Oui. Quelque chose qui va bien ensemble. Oui. Un son, après, ça dépend de l'argent aussi. Oui. Non, ben, tu peux avoir un style musical. Voilà. Okay. Faut essayer de développer un style et de faire ensemble que les morceaux collent ensemble bien pour que ça puisse donner comme ça une histoire un peu homogène et qui fait sens. Et après un son, effectivement, c'est un son particulier. Alors des fois, c'est le hasard qui fait que ça se passe et des fois, c'est le budget. Je crois que j'ai un son sur mon premier disque. Okay. Je crois, mais c'était c'est vrai. C'est pas grave, ça va faire tout à fait de l'ambiance. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On peut même nous éternuer dans le micro. Et voilà, c'est ça. À fréquence régulière, comme ça. Oui, ça met un rythme. Ça met un rythme. Oui, alors. Un son, moi je pense que j'ai réussi à avoir un son, mais sans faire exprès en fait sur mon disque. Okay. J'ai pas fait exprès, quoi. C'était vraiment parce qu'on a fait ça avec du matériel quasi amateur, tu vois. Et qu'on a osé le sortir et qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'on a eu la chance de le sortir après. Mais vous n'aviez pas d'étiquette, donc vous l'avez fait maison. C'est un album que vous avez quand même distribué vous-même pendant les spectacles ou entre amis. J'ai pas fait tellement de spectacles, moi, du coup, du fait qu'il y ait beaucoup d'artistes sur le disque. Mais c'est un album qui a été distribué par une grosse compagnie, quoi. France, enfin. Mais comment ça s'est passé? Ben écoute, il y a eu un label qui a été intéressé pour sortir ce disque. En fait, d'abord, c'est sorti ailleurs. C'est sorti d'abord au Japon et en Angleterre. Okay. J'ai signé d'abord au Japon et en Angleterre. Et après, j'ai signé en France sur un label qui a été intéressé pour sortir ce disque. Et ce label-là, qui est un label indépendant, tout neuf à l'époque, avait un accord de distribution avec Warner. Oh. Groupe. Donc, c'est sorti. Ça a été distribué par Warner. Ok. Et voilà. Et par la suite, est-ce que tu as eu... Est-ce que c'est greffé à ça un tourneur, quelqu'un qui vous place pour des spectacles? À Paris, ça a été compliqué parce qu'il y avait peu de tourneurs qui étaient susceptibles de mettre l'argent pour avoir autant de monde sur scène. Okay. Là, je sais pas si tu as remarqué, si tu as été à quelques concerts à Paris, il y a beaucoup de petites formations. Et vous ne pouvez pas faire des spectacles un peu plus restreints? C'est trop cher. C'est un petit pays aussi. Avec 3-4 musiciens, vous n'êtes pas obligé On peut, mais enfin, le truc, c'est que j'avais pris quand même soin de... de faire un album qui était arrangé, et justement pour développer cette identité-là, tu vois, ce son-là. Et de ne pas pouvoir faire ça sur scène, ça aurait pas été cohérent avec ma démarche, tu vois. Alors vous préférez faire un album et de ne pas faire de spectacle puisque l'infrastructure est trop grosse. Voilà, on a préféré faire... Bonjour, je vais vous prendre un Coca, Coca Zéro. Merci. Tu veux voir quelque chose, non ? Non, merci, merci. C'est pas que je préférais ne pas faire de spectacle, c'est juste que les opportunités ne se sont pas présentées. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a, effectivement filmé des séances live en petite structure quand même, mais où j'ai pu avoir des invités qui venaient à droite, à gauche dans le monde. Donc il y avait Sly Johnson qui est parisien, il y avait Andy Davenport qui était qui est donc américaine mais qui était connue sur, sur ce groupe Les Brand New Avis que tu connais peut-être, voilà. Qui était de passage à Paris, donc on l'a fait venir en... Voilà, on a fait pareil avec Hugh Coltman qui est anglais mais qui vit à Paris aussi mais qui était en tournée à ce moment-là. Donc on a trouvé une date, on a tout fait, d'un coup on a enregistré et donc du coup ça a permis de montrer un peu ce qu'on pouvait faire en termes de spectacle vivant, quoi, en live. Et donc l'été, vous faites aucune tournée dû au fait que c'est trop lourd à... Ouais, enfin au départ, effectivement, les tourneurs trouvaient que c'était trop lourd financièrement. Aujourd'hui, ça commence un peu à évoluer. Okay. Et là, du coup, moi, je me suis mis un peu en retrait. Je travaille pour d'autres disques qui ne sont pas les miens. Okay. J'ai pas mon nom dessus. Est-ce que je vais en refaire un, là, je pense, dès cet été, à moi, mais qui sortira pas avant, je sais pas, un an et demi ou deux ans. Ok. Et là, du coup, moi, je fais l'album de Sly Johnson. Là. Ouais, mais tu composes la musique. Je compose et je réalise. Ok. Je produis, comme disent les Américains. Ouais. Mais tu amènes l'argent. Non, je... Mais produire, c'est ça. Réaliser, c'est amener un son, amener... Voilà, c'est ça. Okay, ok. Je réalise et je compose. Ok, ok. J'ai composé quelque chose comme peut-être la moitié ou les deux tiers de l'album. Enfin, la moitié de l'album, vraiment. Et le reste, je réalise. Ok. Mais donc, toi, t'es inspiré par la musique francophone, anglophone Anglophone. Ok. Quasiment uniquement anglophone. Et éventuellement, pourrais-tu mêler avec ça quelques liens francophones ou pas du tout? Ah bah forcément, ouais. Je connais plein de chanteurs francophones, plein d'artistes francophones, donc ça se... Forcément, on se rejoint. Et puis, je suis quand même parisien. Je suis né à Paris, moi. Je suis d'ici, donc... Et il y a en France, il y a une espèce de culte de la langue française, quoi. Et heureusement. Et heureusement. Ah oui. Donc du coup, on s'adapte. Mais moi, effectivement, ma vraie culture, personnelle et musicale, hein, elle a très inspiré de la musique anglophone et aussi de musique latine. Ok. Donc. Mais pourquoi qui t'a fait écouter de la musique latine, tes parents ou personnellement? Mon père, ouais. Quand j'étais enfant, il était parti vivre quelques années au Brésil avant que je naisse. Ok. Et donc je suis né dans une maison où il y avait des disques brésiliens et des instruments de musique brésiliens, donc c'était... Okay. Et j'aime toujours cette musique beaucoup. Ah ouais. J'écoute beaucoup. Mais en même temps, c'est une espèce de... Souvent, c'est une espèce de jazz un peu bizarre, avec une rythmique différente. Donc c'est intéressant, quoi. Enfin, Et c'est festif aussi. Et des fois, très, très mélancolique aussi. Hein. Mmh. Oui. Mais aussi. Lorsque tu travailles pour les autres, tu fais pas vraiment ton style musical. Donc tu t'appuies selon les questionnements et les recherches de l'artiste. Ben ça devient avec le dialogue une recherche mutuelle en fait. Donc on se retrouve un peu dans le même bateau. Mm-hmm. Et de là, ben on tâtonne, on cherche des solutions et forcément, alors les styles des uns et des autres, aussi bien le mien que celui des chanteurs, se dégagent de ça, tu vois. Mais il faut qu'il y ait quand même une certaine affinité. Tu peux pas faire écrire des textes, écrire de la musique pour des gens que tu ressens pas. C'est vrai que ça compte. Hein. C'est vrai que le côté humain, il compte beaucoup. Après, il peut se passer une rencontre comme ça sans pour autant connaître la personne et que ça marche bien. Et nécessairement, c'est pas une rencontre n'est pas n'amènera pas tout le temps un album. Tu peux faire trois chansons, même réaliser quelques titres, voilà. C'est ça. Sans pour autant amener un album entier. Et voilà. Okay. Oui, c'est sûr. Et avec qui tu travailles, avec qui tu aimerais travailler, puis est-ce que des gens t'approchent pour... Ça commence un peu. Il se trouve que moi, ma situation a un peu changé cette année, du fait que j'ai signé dans une grosse compagnie d'édition, en fait, et en tant que compositeur. Donc du coup, c'est un peu un recueil de poésie, un recueil de paroles, de textes. Bah pas des paroles, mais pour la musique en l'occurrence. Okay. Parce que moi j'écris très peu de paroles, quoi. Ok. J'écris pas de... Je m'exprime pas trop en mots, mais... Ok, tu veux dire sur papier à musique, là. Ouais, enfin sur des chansons, quoi. Ok. Comme, tu vois, des, dans une maison, c'est Universal Publishing, tu vois, ah, oui, maison d'édition. Donc, voilà. Je fais des chansons et ou alors on me dit, tiens, est-ce que ça te dirait de travailler avec avec tel ou tel artiste, et pourquoi pas. Alors on essaye, des fois ça marche. Grâce à ta maison de disques qui elle essaye de trouver. De... Bah maintenant ouais, cette maison d'édition là, ouais, en l'occurrence. Alors ça peut, c'est quand même assez intéressant, même très enrichissant pour toi de rencontrer des artistes qui normalement te viendraient jamais. C'est ça. Parce que en fait, pour cette maison-là, tu as un son, tu as quelque chose d'assez particulier. Donc c'est pour ça que lorsqu'un artiste arrive et que la maison croit que tu serais l'homme idéal pour ce genre de, de lien-là, ben ils font appel à toi et c'est en discutant avec l'artiste. C'est ça. Et du coup là, c'est assez récent. Ça fait seulement 3 mois que c'est mon cas, donc c'est. Ok, ça fait 3 mois que tu as envie réellement. Un peu plus. Okay. Mais ça fait 3 mois que c'est plus facile. Okay. Mais avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Bah, ça fait longtemps là, que je fais ça. Puis moi, j'ai fait des études avant. En musique? Non, pas en musique. En sciences humaines. Ok, ah ouais, moi aussi. Okay. Voilà. Tout ce qui donc, est... ça ouvre plein de choses, sciences humaines, c'est rien de précis. Et... Ouais, ça ouvre à la radio, à la musique. Oui, c'est ça, au journalisme. Au journalisme. À l'écriture. À l'alcool. Ah oui, ça, ouais, le créateur, ça... Oui, le créateur qui souffre, effectivement. Ouais. Et puis, ouais, voilà, j'ai fait des études, j'ai aussi un peu vécu à l'étranger. Okay. J'ai vécu à Londres et à Barcelone quelques temps. Bah, Barcelone, pour la musique, c'est épatant. Londres, surtout. Ah oui, Londres, pour toi, c'est... Pour moi, c'est, comme je t'ai dit, j'avais une culture musicale très anglo-saxonne, et du coup... Et bah oui, et puis Barcelone, il y a beaucoup de musiciens. Ah oui, effectivement. Il y a beaucoup de musiciens, et c'est là, effectivement, c'est enrichissant. Quoi. Tu vois des gens travailler la musique autrement. C'est bien. Et puis la vie est bien, quoi. C'est une belle vie, quoi. Barcelone, belle ville, et la vie est douce, quoi. C'est vrai, il n'y a pas trop de stress. Ah putain, non. C'est plutôt un endroit où il est bon vivre. En plus, c'est très festif. C'est, ouais, c'est bien festif, je te le confirme. Donc pour la musique, c'est vraiment l'idéal. Ah, ouais. Et, bah, alors c'est marrant parce que tu vois, il y a beaucoup de musiciens à Barcelone, mais il y a très peu de. Il n'y a pas de maison de disques ou de maison d'édition ou de. Il n'y a pas énormément de salles de concert non plus. Alors cette fois, c'est des groupes itinérants qui s'en vont d'un endroit à l'autre. Bah c'est voilà, il y a beaucoup. Et qui enregistrent juste dans leur sous-sol. Il y a un peu de ça, quoi. Il y a beaucoup. C'est bien ça. C'est bien. Il y a beaucoup de musiciens. Et surtout, ça donne un son tellement particulier. Une maison de disques essaye de lécher l'album et on perd souvent les erreurs, ce qui peut intéresser le public. C'est vrai. Simplement, le problème de ça, c'est que ça progresse peu. Du fait que ce soit pas alimenté en public, en argent, tu vois, si ces groupes-là n'ont pas un écho qui est plus grand que celui de leur propre ville, ça déjà du tout. Quoi qu'avec Internet, on peut plus dire ça. Better. les hommes préfèrent les blondes. Ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde. Mais j'ai l'impression qu'ils confondent. Et la Joconde à moins qu'on la tombe. C'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour des prunes. Julie Depardieu, elle est brune ou blonde? Certaines brunettes se font appeler des blondes vénitiennes. Vilaine, menteuse, elle triche et puis à quoi ça les mène? Guilaine. Il faudrait qu'on les prévienne. Sophia Loren, je suis pas daltonienne. C'est quand même bien une brune. Elle est noire. Brune compte pas pour des prunes. Oh non, mon ami. Elles ont du caractère. Et dans leurs artères, c'est du sang chaud qui coule. Elles la jouent pas cool. Attention aux brunes. On demanderait à Julie Depardieu de pas y couper. Les brunes comptent pas pour des prunes. Des prunes. Elles ont plus d'idées. Oh, qu'elle est peroxydée. C'est sûr qu'elles en jettent. Ah, c'est sûr. Plus que les blondinettes. Elles ont plus d'éclat que ces pauvres filles-là. Et puis voilà, voilà. Et même si tout le monde répète en cœur que les hommes préfèrent les blondes, qu'ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde. Une seconde. Moi, j'ai l'impression qu'ils confondent. Donc confond tout. Et là, je compte à moi. Les brunes comptent pas pour des prunes. Ah non. Elles ont du caractère. Et dans leurs artères, c'est du sang chaud qui coule. Elles la jouent pas cool. Attention aux brunes. Les brunes. Les brunes comptent pas pour des prunes. Ah non. Attention aux brunes. Attention aux brunes. Brunes, de faire très attention. Attention aux brunes. Oui, écrivez à Rénal Québec. Attention aux brunes. Attention aux brunes. Thank you. Ouais. Tu lances un album, tu places ça sur ton site officiel ou sur YouTube ou sur... C'est vrai. Alors, c'est une belle carte de visite, puis en même temps, on ne peut plus non plus se dire qu'on a fait un album dans notre sol et ça reste là, ça voyage. Une fois que la chanson est partie, donc c'est une très belle... Puis c'est gratos. Donc, et c'est gratos. C'est important de le dire. Ça, c'est pratique. Oui, oui, mais on n'est pas obligé de toujours s'associer à des maisons de disques. Ah ben non, non. Et c'est dans les erreurs un peu... de l'amateurisme musical que l'album prend son essence et surtout peut être très intéressant. Ah ben ouais. Parce que des grosses maisons vous laisseraient jamais passer certains trucs, tandis que Monsieur Tout-le-Monde dans son sous-sol peut risquer de laisser aller une pièce, même si c'est pas... Vrai, c'est vrai, c'est vrai. Clairement. Et comment tu entrevois l'avenir à part ton... Ben, t'as un album que tu prépares alors là, d'ici deux ans? Là, on prépare... déjà, je prépare l'album de Sly Johnson. Donc, okay. Ah oui, ça, c'est avant tout le. On est en train de le faire. Okay. Qui est un ancien membre du CN Supacru. Mm-hmm. Oui. Tu connais? Ben oui. On est en train de faire son disque en ce moment. Quoi, c'est rap un peu? Non, bah lui il chante du coup. Lui sa vraie spécialité c'est le chant et ses vraies spécialités c'est le chant et le beatbox. Ah oui. Et donc okay. C'est parmi un des meilleurs beatboxeurs au monde. Ah oui. Bah alors pas besoin de musicien. Mais c'est vrai hein. Mm-hmm, bah beaucoup moins quoi. Bah oui. Et il fait tout le mec. Et il chante très très bien. On peut aussi sur un album proposer plein de choses sans musicien juste par le fait que ce gars-là est extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai, ça. Et c'est ce que vous allez miser un peu Alors ça va tourner autour de ça. Après on s'est aussi donné on s'est permis la liberté de jouer un peu. Genre okay. Avoir des instruments ouais. Parce que bon c'est... Mais toi t'es musicien tu joues de quelques instruments? Ouais, je joue de piano, batterie. Et t'as une formation classique ou tu l'as appris sur le tas? J'ai appris sur le tas et c'est plus orienté jazz la forme. Mais ouais. T'es capable de lire la partition musicale? Que dalle. Oh ok par oreille. Oui. Okay. Ah non rien du tout moi. Et à chaque fois que tu produis un album, est-ce que tu oses jouer avec l'artiste? Sur scène? Non, en studio. Ah oui. Okay. Tout le temps. Ah tout le temps? Ouais. Ok. Ah, j'adore ça. Oh oui. Ouais. J'aime bien. Et puis j'aime bien moi jouer en studio. J'aime bien les studios en général. Mm-hmm. Pourquoi c'est moins stressant? Puis tu peux te tromper sur ça. Il y a des gens, j'ai connu. C'est épouvantable. Ouais, c'est vrai, on peut refaire, mais c'est marrant. Mais j'ai connu des gens, moi, très stressés en studio. Et ça existe, quoi, des gens qui arrivent en studio qui sont stressés par le cadre. Tu vois, tout ah oui, enregistré. Rien ne passe inaperçu, quoi. Tu peux. Tout ce que tu fais, ça s'entend en gros sur des enceintes énormes. Ah oui. Alors que des fois, sur scène, tu peux faire une bêtise. Il n'y a aucun problème. Bon, on m'a toujours dit, tu fais deux fois la même bêtise en rythme, mais c'est plus une bêtise, tu vois. Donc tu peux rattraper le coup un peu sur scène et moi je sais pas en studio je suis assez à l'aise donc j'ai toujours aimé ça quoi. Mais t'aimes, comme t'as pas fait beaucoup de scènes, est-ce que tu appréhendes un peu ce médium? J'en ai fait plus jeune en fait. Okay. J'en ai fait plus jeune des scènes, je jouais en des groupes, soit en tant que batteur, soit en tant que clavier. Okay. On avait fait pas mal de scènes. Alors tu connais bien. J'ai un peu perdu l'habitude. Je suis peut-être un peu plus stressé qu'à l'époque parce oui. que j'ai peut-être un peu le désir d'apporter quelque chose au public de mieux, quoi, tu vois, de plus. Donc je me mets peut-être un peu plus de pression là maintenant qu'il okay. y a quelques années, bah, à l'époque où on y allait, vas-y. Est-ce que ça arrive pour les albums que tu fais en studio, que l'artiste t'invite sur scène pour... Ça arrive. Pour juste... Tout le temps? Pas tout le temps. Parce que moi vraiment ce que j'aime c'est aussi être... Enfin voilà, c'est le travail de composition, le côté laboratoire, tu vois. Okay. Recherche, studio, être sur mon piano, voilà, regarder les trucs... Regardez si je peux me faire aider par un ordinateur. Ah ouais, plus ou moins, c'est ça que j'aime bien ça. Chercher les idées, chercher les sonorités, c'est ce qui m'intéresse. Alors chez toi, tu as déjà un travail de fait lorsque tu rencontres l'artiste la journée même en studio, tu as déjà quelque chose là. Quand on va en studio, normalement j'ai quelque chose. Okay. Si j'ai pas été fainéant. Okay, mais... ouais. Ou l'artiste peut-être te demande, prépare rien. Mais généralement, voilà, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on se voit avant. On se voit soit chez le chanteur, soit chez moi. Et on réfléchit, on se pose, on regarde un peu quelles idées on peut avoir, etc. Et de là, naissent voilà, des suites d'accords, des sons qui arrivent, des sonorités. Avec les années, ça s'est modifié un peu. On a beaucoup moins de temps à consacrer à enregistrer un album. Les studios coûtent cher, les locations coûtent cher, donc il faut faire ça rapidement. C'est vrai. Donc, l'approche que vous avez chez vous ou chez lui, est très important puisque vous pouvez arriver là-bas, il faut rapidement se concentrer et arriver à quelque chose. C'est vrai. Ah ouais, faut se concentrer. Après, du fait qu'il faille aller vite puisque ça coûte cher, en gros. Ça peut amener quand même. Ça met les gens dans une disposition qui est particulière. Un stress, une genre de. Une espèce de. Frénésie, quelque chose. Ouais, et puis faire déjà le maximum en amont. C'est-à-dire se dire, allez, je pousse l'idée. Ça, c'est aussi un avantage, c'est qu'on pousse l'idée au maximum. Et même si il y a, je sais pas, un producteur, un agent qui dit, ah non, je suis pas d'accord, bah c'est trop tard. Ouais. T'es obligé d'être d'accord. Donc du coup, on va au bout de nos idées. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi, il y a une chose je suis assez mitigé à ce sujet, c'est que. Il y a pas mal maintenant d'instruments qui permettent d'aller plus vite. Il y a pas mal de musique assistée par ordinateur, de choses comme ça, qui permettent aussi d'aller plus vite en appuyant sur des boutons et clac, c'est fini, quoi. Alors moi, j'ai jamais travaillé comme ça, vraiment. Okay, toi, c'est vraiment les musiciens. Bah, le truc, c'est que, pour être honnête, je sais pas me servir de ces machines-là. Ok, c'est mieux. Mais je suis pas fermé à ça. Hein. Okay. Je dis juste, bon, voilà, il faut être un peu sceptique là-dessus, mais si un jour j'apprends à m'en servir, pourquoi pas essayer. Et puis ça peut être même intéressant d'intégrer ces machines-là dans des trucs, dans des pièces de musique un peu plus composées, avec plus de monde, ça peut être. Parce que ça coûte moins cher de musicien, ça coûte moins cher de. Pas tellement, c'est surtout. En fait, c'est surtout que ce sont des machines qui collent avec le temps et qui amènent des sonorités qui sont nouvelles, en fait. Et ça, ça fait partie aussi du travail de recherche, donc il faut. Je pense que c'est possible à intégrer dans une façon de faire peut-être plus conventionnelle. Mais ce genre de choses-là, c'est à se demander si plus tard ça traversera bien le temps. Contrairement aux vrais musiciens, c'est comme la techno des années 80, ça n'a pas très bien vieilli. C'est vrai. Les machines, les synthés, presque l'orgue Casio. C'est vrai que ça n'a pas bien vieilli. Ouais. Sauf certains groupes, Joy Division. Oui, parce que voilà, il y avait un gros travail de composition. Oh, oui, là, pour le coup. Donc, oui, vas-y. Non, je t'en prie. Non, je disais souvent, c'était surtout la chanson, quoi, le répertoire créé qui prévalait sur les sonorités, quoi. Ouais. Donc effectivement, si aujourd'hui les machines aujourd'hui viennent servir un répertoire qui est solide, là on est à peu près sûr de pas trop se planter. Après, si on fait un morceau rapidement comme ça sur le pouce, en n'étant pas sûr, et qu'on cède de ces machines à 80% ou 90%, bon, oui, peut-être ça risque de vieillir un peu difficilement, quoi. L'album que tu travailles actuellement, est-ce que ça risque d'être festif ou au contraire introspectif Alors, le mien ou celui de Sly? Sly. De Sly. Alors, Sly, il y a les deux. Ok. Il y a des morceaux festifs, il y a des morceaux plus intimistes. Tu peux répondre. Non, c'est pas du tout. C'est lemonde.fr. Ok. Je te dis la nouvelle, Marion Bartoli se qualifie pour la finale de Wimbledon. Bah, bravo. C'est important. Eh ben, on l'embrasse. C'est vraiment important. Ah, voilà. On l'accueillera tout à l'heure. Ah bah, pas de problème. On ira la chercher à Londres. On fera une petite fête. On aura une petite pinte et puis voilà. Exactement. Réglé. Et oui, alors l'album de Style, c'est un peu les deux. C'est à la fois. Il y a des morceaux très festifs et des morceaux plus intimistes, quoi, où lui il a souhaité aborder des thèmes plus personnels. Ok. Mais il y a plus de festifs que d'intimistes. Ok. Bon. Et ça tourne effectivement pas mal autour du beatbox. Okay. C'est sa force. Et aussi le chant. Je pense que les gens vont le découvrir là. Le chant, c'est un sacré chanteur. Une voix incroyable. Incroyable. Et une facilité. Et c'est-à-dire que le fait d'être beatboxer de ce niveau-là, donc musicien, il comprend l'arrangement, si tu veux. Okay. Donc c'est facile. Un chanteur, pour moi, c'est moins la voix que les oreilles, en fait. Ouais. C'est les oreilles qui comptent plus, quoi. Le mec entend tout. Donc du coup, il sait. Et quand il maîtrise son instrument, qui est la voix. Ça marche tout de suite, quoi. Et c'est très fort. C'est vraiment. Là, vous êtes rendu à quel niveau là, de la création? Écoute, on a fini la pré-production. On a fini toutes les maquettes, on a tout l'album. On n'a plus qu'à aller vraiment en studio finaliser les morceaux. Donc, mais les maquettes sont utilisées pour l'album éventuel? Ouais, il y a des. Je dis rien, là. Bah là, c'est-à-dire qu'on va se servir de certaines des pistes, certains des éléments qu'on a sur les maquettes, qu'on va retravailler en studio. Okay. Et on va aussi réenregistrer des instruments en studio. Parce qu'on n'a pas forcément à la maison, tu vois, des sonorités d'un vrai piano ou de, je sais pas, ou d'un ampli de guitare, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu prônes davantage la prise directe, c'est-à-dire tous les musiciens en même temps et on y va d'un seul souffle ou si tu prépares. Ça dépend vraiment du type d'album que tu travailles. Mais celui-là. Celui-là, je pense qu'on peut le faire avec les musiciens par musicien, quoi. Okay. Séparément, du fait même de la nature du beatbox. Okay. C'est-à-dire que le beatbox, tu fais chaque élément de batterie et chaque élément de son séparément. C'est vrai. Donc du coup, tu peux pas faire forcément une prise live complète d'un coup avec tout le monde. Sauf que sur scène, c'est ça que tu dois recréer quand même. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé ces magnifiques machines loopers qui marchent très bien. Oh, oui. Et lui, il enregistre ses parties sur cette espèce de pédale de boucle. Anaïs faisait ça. Hein. Et aussi, Mais sa carrière, rapidement. Ouais, troisième album. Mais ça promettait beaucoup. C'est ce que faisait déjà aussi Sly sur scène avec oui, Camille. Exactement. Ah oui, exactement. Qui était lui derrière, qui assurait toute la partie rythmique de Camille derrière. Incroyable. Encore aujourd'hui, je crois un peu. Hein. Non, plus maintenant. Ah, là, ils se sont abandonnés, ok. Ils sont pas abandonnés, je pense qu'ils se. Mais je pense, chemin... ils sont partis. Ouais, elle a dû prendre. Je la connais pas, mais elle a dû prendre une direction autre pour son dernier album là, qui est sorti, je pense, il y a un an ou un truc. Ouais, Oli, je sais pas quoi, là, Oli. Ouais. Mais l'album que tu prépares, il sort en 2014. L'album de Sly, ouais. A priori en 2014, on espère en 2014. Alors écoute, la musique, on sait quand on l'a fait, on sait jamais quand ça sort, tu vois. Ok. En anglais. En les deux. Ok. Et là, les textes sont faits, tout est déjà... Il y a encore un peu de retouche sur les textes. Mais ça se fait en studio. C'est devant soit le micro. Oui, on a encore un peu de temps. Okay. Oui, ça peut arriver aussi devant le micro. On a encore un peu de temps pour y penser. Et puis c'est aussi un travail, tu sais, Sly tout seul chez lui le soir, écrit, tu vois. Moi, pareil, je réécoute les trucs, je me dis, ah tiens, ça va pas. Je vais essayer ça, je lui fais écouter le lendemain. Je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, ah, c'est mieux, ou c'est moins bien, ou je préférais avant. Voilà. Mais sur une semaine, vous rencontrez combien de fois par semaine? Ah bah là on a eu, c'est depuis le... Là c'est un peu plus calme, parce qu'on est, on est un peu sur les rotules, parce qu'on a fait assez intense depuis le mois d'août dernier, donc ça fait un an quasiment. Et on s'est vu, 5-6 jours par semaine. Oh ok. Voilà, donc autant te dire, la tristesse de nos vies sexuelles respectives. Oui, assez plat, merci. Et voilà, on s'est vu beaucoup. Et après, ça dépendait aussi des semaines, parce que lui partait jouer, moi j'avais d'autres choses à faire. Mais quand on se mettait vraiment sur l'album, c'était intensif. Et pour ton groupe, tu prévois d'ici 2 ans... Alors, pour mon groupe, en fait, mon groupe, c'est moi, en fait. C'est juste les albums compositeurs. Est-ce que tu vas rester avec les mêmes membres que le premier album? Non, je vais faire... As-tu amené ton premier album? Ah non. Oh, okay, tu l'as pas, mais je vais t'en... Ben, j'ai des hybrides, j'ai 4 pièces musicales. D'accord, ben, okay. je vais t'enfiler un. T'es sur Paris jusqu'à quand? Moi, je m'en vais samedi matin. Mais peut-être sur Internet... T'habites dans le quartier, là? Ouais, je reste sur la rue Aristide Bruand. L'auberge de jeunesse. C'est le... L'auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse, mais je vois pas où c'est. Ben, Aristide Bruand. Ouais. Tu sais ce que c'est? Non, la rue, je vois pas. À côté du café Aristide Bruand. C'est à Blanche, là-bas? Bien avant, c'est à 2 rues d'ici. D'accord. Tu tournes à gauche et en bas de... Parce que moi, j'habite à Pigalle, là-bas. Watch out, honey, ain't no dummy, silly lovers lie.

mettez en cage aujourd'hui. Au bout de 8 à 9 mois, tout au plus, l'oiseau sorti de la cage. Au bout de 8 à 9 mois, tout au plus, l'oiseau sorti de la cage. La cage ouvrit, l'oiseau s'enfuit. Grand Dieu, quel dommage! La belle s'écrie à haute voix. Voilà l'oiseau que j'ai pris autrefois. La belle s'écrie à haute voix. Voilà l'oiseau que j'ai pris autrefois. Oh, I wish that I was born in the Yellowhammer State, down in the heart of Dixieland, where a man is still a man. I like a cold beer in the morning, a funky lady in the evening, and I pledge allegiance to the rebel flag. Je peux t'apprendre à côté du Moulin Rouge, dans ce coin-là. Là, juste rue des Martyrs, là. Ok, oui. Tu vois la cigale? Oh oui, oh. Bah en bas de cette voie de la rue qui descend. Ok. Donc je peux t'en amener un demain ou c'est dans le coin, sauf si c'est des interviews ou. Ah oui, bah écoute, mais vous n'avez pas de lien où je peux aller chercher Internet? Ah, où je peux t'envoyer un lien de l'album, ouais. Bah oui, complètement. Okay, ok, parfait. Aujourd'hui, c'est rendu cybernétique, hein. Donc on va aller attacher les fichiers. C'est le futur. On téléporte des albums. Oui. C'est ça qui est incroyable. Il faut être de son temps. Eh bien, c'est ça. Donc, le prochain album que tu prépares pour le Alors, groupe, moi pour... est-ce que c'est avec les mêmes membres du premier groupe? Ce ne sera pas les mêmes membres que sur le premier album. Enfin, il y en aura en partie, je pense qu'il y aura moins d'invités, chanteurs. Je vais me concentrer autour de 2-3 chanteurs maximum, histoire de vraiment pouvoir tourner justement après. Ouais, ça s'est fait, ouais. Ça va tourner beaucoup autour de Sly et de John Terrell, qui est sur le premier album. Okay. Qui est un ami à moi qui habite à Newcastle, en fait, en Angleterre. C'est plus complexe, mais bon, on est proche, quoi, donc c'est simple. Okay. C'est vrai qu'avec avec le TGV, 1 heure et quelques... Ouais, bah lui, le truc, c'est qu'il est au nord de l'Angleterre, donc il faut que je prenne l'avion quand même, mais... Oh, okay. Il habite à côté, c'est quasiment à la frontière écossaise, quasiment. Okay. Au nord. Okay. Une ville de football, okay. et de bière. Ah ben aussi. Voilà, c'est ça. Misérable. C'est très misérable. C'est misérable. Alors tu vas sortir de son trou c'est vrai. Pour l'amener à la vie. C'est ça. L'amener à Paris, au club sandwich et au coca à 10 euros. Exactement. Et peut-être quelques bières. Ah bah, parce que le prix est le même, donc ah bah, allons-y. On nous va bien. Mais sinon, ouais, c'est ça, tu prépares l'album ou si tu es encore à terminer l'autre? Ah, moi, j'aime bien faire les choses, chaque chose dans son temps. Oui, parce que sinon, ça devient impossible. Et quand même, j'ai composé une grosse partie du prochain, à moi. Une grosse partie de mon prochain album, j'ai composé. Maintenant, j'ai plus qu'à le mettre en forme, aller mettre face à mes instruments. Et... et qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas de message, c'est juste le plaisir d'être en groupe et de t'amuser. Ouais. Non, il y aura toujours une espèce de concept, quoi, d'image. Moi, j'aime pas trop les albums. Juste comme ça, gratuit, quoi, tu vois, gratos. Je vais, dans l'intention, je veux dire. Mm-hmm. On va essayer de trouver quelque chose. On va essayer de trouver quelque... Vous n'avez pas encore d'idées? J'ai quelques idées. Okay. Écoute, j'ai une quinzaine de titres. J'ai quelques idées qui se dégagent de là. Mais là, tu ne mettras pas 15 chansons sur... Non, je ferai un album plus court que ça. Okay. Et ce sera plus festif. Et il y aura des sonorités. Est-ce que tu connais Jean Leloup? Jean Leloup, non. Ok. Dis-moi. Ah, oh, c'est excellent, c'est très festif, olé olé. C'est un Algérien, mais qui habite Québec depuis 35 ans. Donc, d'accord, c'est un Québécois d'adoption. Oui, ça c'est un Québécois, c'est un Montréalais. Oui. Les chansons sont faites, il reste juste à travailler ça, à donner un corps, donner l'angle. Travailler sur les textes et travailler sur l'angle et comment on va les mettre en forme, ces chansons-là. Et t'as pas d'idée de message, t'as pas d'idée de ce que tu veux offrir au public? Mais il y aura peut-être une petite dose de message social, tu vois. Okay. Pas ultra engagé parce que c'est pas non plus mon truc, mais une pointe. Avant ça, c'était ton truc? Premier album, c'était... Non, okay. du tout. Premier album, c'était... Il y avait ce truc-là de rêverie, quoi. C'était un album de rêverie un peu plus poétique. Moi, je collégé disais, un peu? Un peu, pas forcément. Il y avait, comment te dire? Il y avait ce truc un peu. De se dire, c'est comme une fuite. Ok. De se dire, voilà, on est en gros, le truc social qu'il y avait là-dedans, c'est de se dire, on n'est pas content de ce qui se passe ici. On va essayer d'oublier pendant et deux plutôt heures. Que de faire comme pas mal, tu vois, je sais pas si t'as remarqué, mais en chanson française et même dans le rap français, la mode, et même dans le cinéma français, la mode, elle est à l'ultra réalisme. C'est-à-dire que les gens, ils te racontent ce qui se passe dans leur rue, et de la façon la plus brute possible, et les gens applaudissent. Et toute la presse encense le truc. Alors, très, très bien. Des fois, tu tombes sur des choses très très bien et qui sont très justes. En revanche, j'avais peut-être envie d'exprimer ça autrement, moi. Peut-être j'avais la même idée de fond, mais peut-être envie d'expliquer qu'un mec fuyait. Tu vois, c'était une fuite en avant. Le mec rêve plutôt que de dire. Ça, c'est le côté poétique. Tu veux l'amener. Moi, je préfère ça. Si tu veux, je préfère la science-fiction à l'ultra-réalisme. En fait. Ah oui, à l'urbanité. Tu veux que la poésie entre dans la chanson. J'aime bien ça. Okay. J'aime bien ça. Et d'ailleurs. Et surtout à travers la musique aussi. Et ça fait aussi partie de ma culture musicale. Tu vois, quand tu écoutes les albums de je sais pas, les années 70 de Stevie Wonder ou de Marvin Gaye, c'était des gens qui parlaient de choses qui étaient engagées quand même, assez politiquement. Mais avec une légèreté musicale. Mais qui avaient. Solidité musicale quand même Une légèreté aussi. Une légèreté aussi, il y avait des trucs festifs et dans les textes c'était toujours un peu décalé. À un moment donné il y a Steve Wonder qui parle de Saturne pour parler de chez lui, quoi. Il parle, tu vois ce que je veux dire, donc c'était un peu... Donc il faut j'aime bien la métaphore, c'est une chanson, j'aime bien. Sinon j'écrirais un essai philosophico politico chiant, tu vois, et voilà, tu vois, et tu pèlerais des nuages avec plaisir. Et j'irai boire des coups dans le quartier latin. Ah ben oui, en cherchant Prévert. Voilà. Où est-il, Prévert? Voilà. Un peu comme Cynic avec sa lanterne qui se promenait en disant où sont les hommes. C'est ça, exactement. Et j'ai 10 questions, puis on va regarder où ça peut nous amener. D'accord, t'as 10 questions, c'est ça? Oui. D'accord, vas-y. Si tu c'est étais... 10 mini-questions? 10 questions. 10 questions, ah d'accord. Oh, tu vois où tu veux. D'accord. Si... ben, ce serait mieux de rester ici, les micros sont là. Si tu étais... la première question... Je veux pas regarder ma feuille. Si j'étais un liquide. Attends, c'est une très bonne question, ça. Ah oui, tu vas voir que ça s'épice tranquillement. Si j'étais un liquide, je serais du jus de poire. Ok. Ok. Pourquoi? Ah non, ça finit pas comme ça. C'est la forme de la poire ou c'est le jus, c'est le nectar? C'est du jus de poire. Oui, le nectar. Le nectar. C'est le côté granuleux, hein? Il y avait ça un peu. Et c'est un truc que je buvais enfant aussi. Ok. Et aujourd'hui? Un peu moins? Un peu moins. Okay. Bah, tu sais, c'est comme crémeux, hein? C'est granuleux. Si tu étais une ville? Si j'étais Londres. OK. Mais pour revenir à ta poire, à ton hectare de poire, une fois que tu en as bu un verre. T'en as marre. Hein? Ah oui, hein? Ouais, c'est ça. Ça rentre, mais ça. Si tu veux que je change, je vais choisir autre chose. Ah non, non, c'est vrai, non. Sinon, Jack Daniels. Parce que. Oh! Ça, moi, du bourbon. Allez. Oh! Ouais, moi, j'aime bien le bourbon. OK. Ouais. Mais ça, tu peux en boire à volonté, c'est ça le drame aussi. Le bourbon? Oui. Bah, ça dépend à quelle heure. À volonté, mais. Oui, mais ouais. Tandis que ton jus de poire, comme c'est granuleux, t'as plus soif. C'est le, ça. Le haut, le cœur arrive à l'air. C'est ça, c'est vrai. Tandis que l'autre, ça amène, ça. Hein? On a tout le temps. Ben voilà. Ça ouvre, ça dilate la rate. Exactement, c'est ça. Si tu étais une ville. Londres. Pour. J'ai beaucoup aimé Londres. J'y suis resté quelques temps. J'ai une tendresse particulière. Oui. Et en même temps, Barcelone, c'est aussi la ville de ma mère, Barcelone. Okay. Et j'y ai vécu aussi. J'ai mis les deux, Londres et Barcelone. Et Paris, hein, je suis parisien. Une ville, c'est difficile. Le premier, c'est l'Angleterre. Ouais, Londres, même. L'Angleterre elle-même, non, mais Londres, il y a cette espèce de mélancolie un peu jouée. Sans la reine. Sans la reine. Avec. Ah bon, avec. Tu l'aimes, la reine? Ah oui. Ah, c'est une histoire d'amour entre vous. Il s'est passé quelque chose. Ah oui, Nos regards se sont croisés. Ah oui. Ok. En fait, c'est sur le signe de pièce canadien, parce que j'ai... Je sais, c'est le... Tu veux que je la montre, la reine? Ah ouais, okay. Montre-moi la reine. L'émotion sera au rendez-vous, là, t'es prêt? Vas-y. OK. Un petit peu. C'est là que ça va se passer. J'ai même laurier, mais lui, il t'intéresse pas, laurier. Ah, oh, tu peux, hein? Non, ben lui, il est moins. Et voilà, je te présente la reine. Oh là là, qu'elle est belle. Voilà, ben oui. 20$ canadien. Ouais. Ça fait combien d'euros, ça? Ah, ça fait 20$ canadien, ça fait 16€. 16€? Ouais. Ah, on n'est pas. Bah, c'est comme le dollar américain. Écoute, le dollar canadien est supérieur au dollar américain. Donc, ils ont voulu placer Obama. Ben, pourquoi Obama, pas. C'est bien payé. Hein? Voilà, c'est ça. Alors, si tu étais une époque. Si j'étais une époque. La fin des années 70. Ah oui. Tant qu'à faire. Oui. Jimi Hendrix est mort. Pas grave ça. Ok. Il y avait le disco. Et... Ah, toi, t'es côté disco, toi. Moi, j'aime bien le disco. Ok. Vas-y, au revoir. Oh. Alors, si tu étais. Le prochain album sera disco. Non. Ok. Peut-être, hein. On verra. Peut-être un peu, ouais. Ah oui. Pas complètement disco, si tu veux. Il n'y aura pas. Si tu étais une langue. Si j'étais une langue. T'aimerais que je dise le français? Non. Moi, j'aimerais. Non, moi, je te laisse aller. C'est à toi. Qu'est-ce que je pourrais te dire comme langue? Bah. Si j'étais une langue. L'Inuit, okay. Elle te rappelle un peu la maison, enfin un peu loin. Et j'habite dans un igloo. Et puis ah merde. Deuxième étage. C'est un gros igloo. Oui, effectivement. C'est un bel igloo. La calotte fond aussi, là, tranquillement. Si j'étais une langue, qu'est-ce que je t'ai dit d'Inuit? C'est complètement con. Qu'est-ce que je pourrais te dire comme langue? L'anglais, hein? L'anglais, ouais, ou l'espéranto? Ou le... Ok, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Non, mais. Tout le monde est mort. Comment s'appelle la langue là, de Dr. Spock là, putain. Merde. Dans Star Trek, merde. Ah, ok, plus. Oui, les Gonquins, Algonquins. Ouais, ok. Là, je sais plus. Si tu étais un mot. Un mot en anglais. Lovely. Lovely. Si tu étais un aliment. Un aliment. Un pois chiche. Pourquoi? Culturel. Ça fait péter, je crois. Ça fait péter. Ok. Si tu étais une saison. L'automne. Pour. J'aime bien l'automne. Pour les feuilles mortes. Pour les feuilles, les couleurs. Puis ils se ramassent à la pelle. Ouais, et les feuilles mortes qui se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Ouais. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Le nombril. Ok. Pour. Pour le nombril du monde. Ok, puis pour accueillir la poussière. Aussi. Hein? Et les bouloges de pull. Ah oui, ben oui, t'as amusé le soir à tout enlever. T'as amusé à tout enlever. Enfin, mais j'ai de la merde dans le nombril. C'est ça, exactement. C'est ça. Si tu étais à un moment de la journée. La nuit. Pas la journée. Pour Ouais, pour tout. Hein. Ok. Je suis de la nuit, moi. J'aime pas le jour. À quelle heure tu te lèves? Tard. Et beaucoup de tard aussi. Midi. Ouais. Ok. Si tu étais un autre. Puis dans quelles conditions? Ça dépend des jours. Okay. Ça dépend des jours. Il y a des jours, je me surprends à être en forme à midi. Ah, malgré ce qui s'est passé la veille. Malgré ce qui s'est passé la veille. Ouais. C'est mauvais signe généralement ça. Ah, pourquoi? Parce que ça veut dire que tu commences à bien encaisser. Tu vois. Oh, ok. C'est comme un boxeur quand c'est il ça. Prend les uppercuts. C'est ça. Quand tu sens plus rien, c'est que ouais, c'est que c'est pas bon. Ouais. Ouais, c'est ça. Il se passe plus rien. Si tu étais un autre individu. Si j'étais un autre individu. probablement le ministre des marches stupides du Monty Python. Ok. Voilà. Ah. Voilà. Donc, je vois en avant Pierre Desproges là-dedans. Tu vois, c'est le Minister of Silly Walks. Ok. À choisir, est-ce que tu prends le même chemin? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une longue question. Ben, vas-y. En plus, c'est la dernière. Ben, probablement, oui. Hein. Je suis assez content de... De ton parcours? Ouais, de mes journées, en tout cas. Tu vois, en ce moment, après, mon parcours... On est comme tout le monde. Il y a des choses réussies, d'autres ratées. Ouais. Il y a des regrets. Au niveau professionnel, amoureux. Au niveau... Ben, à tous les niveaux. Mmh. On réussit, on rate tous des choses. C'est un grand tâtonnement, surtout pour... Je sais pas toi, mais on n'est pas forcément... Ah bon, je suppose, pour moi qui... Tu sais, les gens qui ont des activités artistiques ou qui sont comme ça un peu, depuis la naissance, la tête dans les nuages, n'ont pas forcément les tempéraments les plus stables qu'on puisse rencontrer, tu vois. Donc, Alors c'est difficile pour l'appartenant qui reste avec toi ou qui restait avec toi ou... Oh, mais pour tout, hein, je veux dire, pas forcément une question sentimentale ou de relation, mais... tu vois, ça peut être souvent aussi une question d'endurance dans l'effort, dans le travail, quoi. Ok. Mais en même temps, j'ai peu de regrets parce que j'ai pas de difficulté à travailler ce que je fais aujourd'hui parce que j'aime ça, en fait. C'est ma passion depuis que je suis enfant. En plus, t'as envie. C'est quand même très peu de musiciens. C'est une chance énorme. Oh, oui. Aujourd'hui, j'ai envie. Est-ce que tu t'en rends compte, oui, que t'es quand même privilégié? Oui, je m'en rends compte. Parce qu'il y a des gens qui... Complètement. Mais si tu veux, j'en parle même pas de cette histoire de privilège-là. Je reste... si tu veux, là... Discret. Bah ouais, discret complètement, parce que je sais que... Tu veux pas non plus que les autres... Bah déjà, je suis pas connu, tu vois, donc ça change tout. I like to dedicate this song to an old friend of mine. Of my early days of frost and debauchery. Came all the way from the south. Breathing from the blood, sweat and tears of your every work that they call a man. Keep on harvesting it, boy. Darling companion of my day, just keep on pouring in into me, salvation shooter, consuming myself into an early grave. Don't you ever blame yourself, well it was worth it all the way. Can you imagine that I'm writing you a song so I won't be deep responsible for all my stupid actions? Still I don't know why I'd live or die from a single shot from you. Seven, there's no heaven, who made you? All right, now bring it to me, sugar. Why don't you just leave the bottle here? Won't be wasted. Ah, trust me, honey. Hey, barkeeper, give me that woman's sense of shelter. Cross that lady, just put it on my tab and serve me that nonsense with a smile. I get so high with your label by my side. I always need you close to me, but I see you with you. 40% keeps me closer to the gems. Number seven, you're my best friend who sent you. So many times you make me see the light. So I would never turn you down. Just bring another round. We'll see you again somewhere around the bend. Good old friend, drop by again. You're part of this band. Off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Took out a kiss. did something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie calls Fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the man say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that care out of fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride frail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, grilled by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired of these success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge a scandal. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle. Ce serait peut-être d'aller chercher ailleurs un peu ce qui se passe, je pense que... Pour revenir ici pour te dire que c'est partout pareil. Bah, c'est souvent ça, je l'ai déjà fait deux fois, je me suis rendu compte que c'était partout pareil. Après, ça dépend. Après, il y a les ambiances qui changent aussi. Hein. Ah oui. Tu vois, il y a quand même des atmosphères un peu différentes. Paris, c'est une atmosphère un peu spéciale. Moi, ça va, je suis né ici, je suis parisien, donc... Tu te sens très à l'aise. Bah, je me sens très à l'aise. En même temps, je peux pas te dire que j'ai un amour démesuré pour cette ville. Hein, ok. C'est comme ma vieille paire de chaussettes, quoi, tu vois. Même si elle a un trou, on l'aime, parce que... On l'aime bien, mais enfin tu vois... On est confortable dedans. On change toujours une plus belle, quoi, tu vois. Ah oui, ça, il faut satisfaire aussi de ce qu'on a. C'est toujours bien aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors éventuellement, à venir, c'est l'album que tu prépares avec ton copain. Alors c'est l'album avec Sly dans un premier temps, ensuite le mien. Tourner peut-être éventuellement. Tourner peut-être un peu avec Sly. Et, En 2014, ouais. Peut-être l'été, c'est le moment le plus privilégié pour faire spectacle. Dans un an, je pense qu'on sera sur scène, ouais. Et peut-être même au festival d'été à Québec, puis le festival de la francophonie à Montréal. Ouais. Je sais que Sly l'a déjà fait. Ah, oui, effectivement. Ouais. Moi, je l'ai vu deux fois. Et moi, j'adorais. Parce qu'il était sur des scènes rotatives. Oui. Alors, tu peux être un invité, puis faire la grande salle après ça, le lendemain, faire un spectacle à 14h, puis 19h, puis être invité pour une chanson. Les Wampas, on fait ça. Est-ce que tu connais les Wampas? Non, oui, je connais. Okay. Les Wampas, c'est tout à fait cinglé. Je connais, oui. Mm-hmm. Ok, je suis allé en tournée avec eux il y a 3 ans. Ah oui? Et ouais, il faut être fait solide. Il faut être fait solide. le rock'n'roll, c'est épuisant. Oui. Alors, merci, puis on se retrouve à Québec, et puis on surveille ton nouvel album et celle de Sly. Avec plaisir, et oui, et puis vraiment, j'ai hâte de découvrir, moi, le Québec. C'est tellement beau à Gaguk. C'est quoi, Gaguk? Non, mais c'est parce que tu parlais des Esquimaux, à Gaguk, c'est un Esquimau. À Gaguk, ouais. À Gaguk, c'est au nord. Oui, mais c'est au nord du nord. D'accord. C'est un Esquimau. D'accord, c'est un Esquimau. Et ils en ont fait un livre de Thériault qui s'appelle « À Gaguk ». D'accord. Et c'est rempli de clichés, puisque Thériault n'est pas... Un Esquimau, un Inuit. D'accord. Mais donc, tous les préjugés sont là pour amener les Européens, puis même les Québécois qui n'en connaissent pas trop, à sublimer sur les Esquimaux. Ben écoute, on se retrouve à Québec. Ah ben j'espère, et très bientôt. Et l'album, bien sûr, pour dans quelques mois. Mais même entre-temps, on va faire un tour à Québec, à Montréal avant que tout ça soit en route. On va essayer. Pour se reposer. Amener une guitare aussi. Il y a des instruments là-bas sur place, non? Comme ici, il y a un piano. C'est des villes de musique, non? Oui. Puis un peu partout dans le monde. J'ai jamais été, moi, au Québec. Je connais pas. Bah, écoute, il faut. Ouais, j'adorerais vraiment. Écoute, on se rencontre là-bas. Puis on mange une poutine. On mange une poutine, c'est à base de quoi, ça? Ça, c'est de frites. Ouais. Fromage. Nous, on dit en crotte, mais c'est fromage. Fromage en crotte. Coupé, là. Ouais. Fromage. En morceaux, ouais. Et sauce brune. Ah, ça va être bon, ça. Mais ça se mange à 3h du matin, après une belle soirée. Après une belle soirée, Où tu commences à dédoubler À tripler, même. C'est ça, tout ce que tu regardes. Et tu manges ça, et le lendemain, il a un estomac tout à fait revivifié. Oui. Oui. Oui. Donc, c'est un rendez-vous devant une poutine. Alors, on va faire ça. Tu connais les mitraillettes? Ben oui. Oui. Ça, c'est en Belgique. Oui, effectivement. Ils ont la mitraillette en Belgique, ils ont donc la poutine au Québec. Oui. Et nous, en France, on a quoi? On a le... Oh. Ah, ben non, moi, j'ai mangé des andouillettes. La nuit? Non. L'andouillette, c'est français, effectivement. Faut aimer, hein. C'est spécial. C'est très bon. Ici, c'est la meilleure andouillette. Le tartare, vous avez ça au Québec, vous? Oui. C'est bon, le tartare? Oui, mais ici, là, vendredi, j'ai amené Jean-Pierre Coff, OK? Oui. Ici. Ah, ici? Et il a mangé des andouillettes. Il m'a dit que c'est un des endroits les plus intéressants pour manger l'andouillette. Ah, bah écoute. Ah, à Paris. Tu vois, c'est... Là, il y a un très bon truc, là. Tu vois, il y a une brasserie parisienne qui s'appelle La Mascotte. Ouais, je connais, ben oui. Très, très bon. Oui. Mais par contre, le chinon, c'est de la merde. Le chinon, c'est de la merde. Ouais. C'est là-bas, le truc là-bas. Là. Attrape touriste. Oui, bah ici un peu aussi, hein, mais c'est pas mauvais. Ici, non, c'est vraiment, c'est très, très bon. Mais c'est pas mauvais. Ça fait longtemps que j'ai ici, moi, je connais bien. Hein. Ok, ben comme voilà. je suis du coin et tout. Ils ont refait le décor, là, il y a pas longtemps. Ben écoute, ça doit faire 4 ans parce que moi, j'y vais ici régulièrement depuis. Ah ouais? Ans. Mais il y a une place, si tu veux rencontrer des artistes, qui s'appelle dans le 11e arrondissement, sur la rue Oberkampf, le Charbon. Ah oui, ben je connais bien. Endroit extraordinaire. Ah, j'y vais tout le temps. Ouais. Ben, Yann Péchin est là régulièrement, Brad Scott, ouais. Lucien Digelin. Puis même il y a tout, ben, c'est collé au nouveau casino. Ben oui, voilà. Tous les artistes sont là. Tu peux même voir, comment c'est, Miossec. Il y a tout le monde. Oh, oui. Robert Kampf, tout ça. Ben, il n'y a pas que le Charbon, il y a en face, c'est chez Justine. Oui. Et il y a la Place Verte aussi, il y a pas mal place de... Place Verte, c'est pour les bons jus, la bouffe un peu plus équilibrée, moins vaporeuse. Ça se la pète un peu plus. Ah oui, oui, mais il oui. y a deux, trois artistes aussi qui traînent. C'est de la prétention. Un peu. Mais j'ai vu Puccino qui était là l'année dernière. Ouais. Une entrevue sur France Inter. Mm. Donc, oui, c'est... Oxmo Puccino. Oui. Qui est sur la... On travaille avec lui sur l'album de Sly, là. Excellent, ce bonhomme. Ouais. Un grand bonhomme. J'ai essayé de l'avoir cette année, mais là, il est occupé un peu partout. Et il tourne, là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est l'été. Ouais. Donc, j'ai dû remettre ça encore à l'année prochaine. Ça fait 2 ans que j'essaie, mais à un moment donné, je vais l'avoir. Il n'y a pas de problème. Je suis très optimiste. Ah bah oui, mais en plus... Le monde est ici. Ah bah le monde est minuscule. Parce qu'il y en a un qui a appris que j'étais ici, puis Axel Bauer veut me rencontrer, donc c'est bien. Que le monde ça se parle. Il y a un Québécois. Si Axel Bauer veut te rencontrer, il y a quelque chose à dire. Mais c'est que attention, c'est qu'on est quelque part là. Ouais, mais moi je crois que c'est parce que son album a pas fonctionné, puis il essaye de. Ah tu crois? Ah ça a pas fonctionné son album. Ah oui? Bah en même temps, il n'y a plus d'album qui fonctionne vraiment. Hein. Bah ça dépend. Je sais pas, hein. Bon à part les gros trucs. Ouais c'est ça. Genre Christophe Maé, ces conneries-là. Ah ouf, c'est de la merde. C'est de la merde. Hein. Ouais. Mais bon, après. Bah, hey, là, il va falloir couper parce qu'on va commencer à dire des choses. Ah tu vois, t'es encore en train d'enregistrer. Ben oui, moi c'est. Bon alors qu'est-ce qu'on peut dire de méchant sur quelqu'un là? Annie Cordy? Bon Annie Cordy, elle est sympa, laissons-la tranquille. C'est vrai, ok, t'as raison. Okay. Elle, en plus elle va pas tarder à claquer, alors je veux dire. Oh, la pauvre. La peau. Je te laisse avec tes okay, Céline Dion. Ah Céline voilà. Dion. Notre bonne Céline. La bonne Céline, prions pour elle. Moi j'aime beaucoup Céline Dion, c'est un peu la chanteuse francophone Las Vegas. C'est une des seules, il y avait Joe Dassin à l'époque et maintenant il y a Céline Dion, tu vois. Il y a Lara Fabian aussi. Bah Lara Fabian, c'est pas vraiment Las Vegas, c'est plus en Guingamp, tu vois, c'est un autre délire. C'est, les casinos, les lacs artificiels, tout ça. Elle va remplacer Serge Lama. Ah voilà. Avec pour le coup, elle aussi, elle aurait pu s'appeler. Oui, en même temps, tu me dis Serge Lama et Lara Fabian côte à côte, c'est vrai que ça avait. On est tout de suite dans une ambiance. Sa gueule, et il y a une ambiance animalière et pleine de bave. C'est ça qui est bien. Ah oui, c'est mais, vrai. Non, c'est vrai. Ben non, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de méchant sur quelqu'un là? Céline Dion, c'est quand même pas mal. T'aimes pas Céline Dion, toi? Ben non, c'est de la merde. C'est de la merde. Ah, c'est de la merde, hein. Mm-hmm. Mais c'est un peu c'est une gloire québécoise. Ben, pour monsieur puis madame tout le monde, oui, mais pour les gens un peu pour plus. Pour les gens qui aiment la musique? Ben, ouais, c'est ça, pour les gens, parce qu'elle n'a rien apporté à la musique. Ah, ben non. Mais elle a beaucoup apporté à son portefeuille. Oui. Donc, et c'est le principal. Même si c'est de la merde, si elle, en fait, si elle fait de l'argent, tant mieux. Et Diane Tell dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient? Ben, Diane Tell n'est plus tout à fait québécoise. Ah merde, elle. Mais là, elle a modifié un peu son langage parce qu'il y a quelques années, elle prenait l'accent français et elle s'est fait taxer. Ah bon? Donc, au Québec? Ah, parce que quand au Québec, parce qu'il y a pas mal d'artistes québécois à Paris. Mmh. Robert Charlebois, il reste avec sa langue traditionnelle. Oui, mais il a un accent qui est. Après, ça dépend des gens. Je crois qu'il y a des gens qui arrivent. L'accent disparaît naturellement ou pas, quoi. Qui? Bah plein, non mais je parle pas forcément que de Québécois mais je c'est des Québécois qui modifient comme tu dis, sans le savoir. Ils le savent très bien. C'est juste pour racoler le public français. Tu crois? Ben oui, non, c'est je suis convaincu. C'est ce qui se dit. Je suis convaincu. Ah ouais, t'es convaincu? Ben oui, Non, parce que moi, je vois les gens, tu sais, qui sont de. Je te parle pas des Québécois, mais les gens qui sont d'origine espagnole ou italienne, qui sont en France depuis des années, arrivent un jour, il y a toujours une petite pointe d'accent, mais l'accent se dilue. Ils le perdent un peu, quoi, leur accent, avec le temps. C'est peut-être le quotidien aussi qui fait ça. Après, je sais pas. Mais c'est le marketing, je crois. Je crois que c'est du. Ben, le Québec vis-à-vis de la France, là, un chanteur qui vient ici, une chanteuse, puis D'ailleurs, arrêtez de nous envoyer des chanteurs sans arrêt, là. Ils chantent que de la variette, les mecs, c'est quoi chiant. Non, mais quoi qu'il y a mon oncle Serge que tu connais pas et que tu. Mais j'aimerais bien connaître justement. Ben, va sur Internet, mon oncle Serge, c'est bon des patates. Mon oncle Serge? Oui, mon oncle Serge, c'est bon des patates. Puis lui, quand il vient ici, il n'y a pas d'accent. Français. Il parle sa langue, quoi. Québécois. Ouais, c'est ça. Alors, ben écoute, on se retrouve au Québec dans quelques années. Ou quelques mois, hein. Quelques mois, dans quelques secondes. On va pas tarder. Ben oui. Moi, je voulais visiter Montréal, je connais pas, tu vois. Je voulais y aller, là. Je sais pas quand je pars en vacances, mais je voulais me faire, tu sais, une petite visite de Montréal dans pas longtemps. Ben oui. Ben, tu aurais pu le prendre pendant la francophonie, parce que c'est fou, là. Ben, je sais, mais je pouvais pas, du coup, parce qu'il y avait du boulot, quoi. Attendre peut-être l'été prochain, parce que ça se passe pas... L'hiver, tu me conseilles pas? Ben, il y a pas de spectacle plein air, là. Non. Ou sinon, tu risques d'être le seul. Et le pauvre chanteur prend pas longtemps, je veux dire. Moi tout seul, avec le chanteur. Ah oui, c'est ça, exactement. Le chanteur qui décède, hein, à la fin du spectacle. Ben, parce que jouer de la guitare avec des gants, des mitaines, c'est pas conseillé. C'est vrai. Et c'est vrai. Je pense qu'il risque de le rentrer avec un diable. Hein. Ah, mais au pire, tu vas faire une petite partie de hockey ou un truc comme ça. Moi, tu sais, à la limite. Moi, j'irais bien voir le festival de jazz de... Ah, ben ça, c'est l'été aussi. L'été aussi, ben. Ah oui. Il y a le festival de jazz et. Et la francophonie. Ben. Pendant une semaine, ça se chevauche. D'accord. Jazz et francophonie. Après ça, il y a juste pour rire. Oui, c'est ça. Donc, pendant un mois, Montréal est rempli de tout. Parce que moi, la francophonie, bon, c'est bien. Mais festival de jazz, ça m'intéresse. Ah oui, ben ça, oui. C'est beau. Ben c'est pendant la même période. C'est le plus grand festival de jazz au monde. Ouais. Au monde, ouais, c'est ça. C'est beau. Hein? Ah oui, c'est merveilleux. Ouais. Et on a, depuis quelques années, on a le jazz élastique. Hein. Parce qu'on il y a des invités pour le festival de jazz, Michel Jonas, là. Pourquoi pas? Moi j'aime bien Michel. C'est ça, moi aussi, mais c'est élastique parce que c'est pas du jazz. C'est du blues, du swing, mais c'est pas du jazz. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Alors il faut avoir le jazz élastique, comme je le dis. Le jazz est. De toute façon, le jazz est élastique. De toute façon, par nature. Je peux comprendre Claude Nougaro, mais. Là, il fait plus de spectacles depuis quelques temps, il s'est retiré. Là. Et non, mais tu vois, les festivals de jazz, ils invitent Chic, par exemple. Oui, c'est ça. C'est pas du jazz? Non. Ah voilà. Et pourtant, c'est. Je crois que c'est pour attirer. C'est des musiques sœurs, quoi. C'est des musiques. Ouais, mais on devrait. C'est la même musique, c'est les mêmes harmonies. C'est pour ça, c'est le jazz. C'est pas juste le truc, genre tu prends ton saxo et tu. Non. C'est sûr qu'il y a plusieurs. Il y a plusieurs arcs au jazz, mais faut pas non plus placer. Faut pas déconner. Ah, on peut, mais il faut faire attention. Parce que sinon, T'es un peu un puriste, hein, Rénal. Ben, un puriste. T'es un peu un puriste. T'as un petit côté taliban, la musique. Oui, légèrement. Mais souvent, c'est parce qu'on ne peut pas le brancher au festival de la francophonie. On ne peut pas le brancher dans le festival festival de jazz est là. Dalida, pourquoi pas, au festival de jazz. Oui. Hein? Bon. Bon, Dalida, bon, non, quand même pas, tu vois. OK. Mais. Dalida, faut pas déconner. Ok, bah elle fait plus grand chose elle non plus. Donc. Bah, elle a un peu disparu, non? Bah, légèrement. Oui. Bah, écoute. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est devenue femme de ménage au Mans? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah non, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Ah, c'est ça? Oui. C'est ça. Hey, on sait ça dessus! Est-ce que son ombre louche aussi? Est-ce que c'est. Qui? Son ombre. Son ombre louche? Il faudrait demander à Claude. Faudra demander à Orlando plutôt. Je crois qu'il lui est. Mais non, Claude Lelouch. Ah, Claude Lelouch. T'as raison, Claude Lelouch. Okay. Dis donc. Pas mal ta petite blague québécoise. Merci, attends, elle envoie bien. À l'arvoyeur. À l'arvoyeur, hein, mon cher Rénal. Tourlou. Ah, Tourlou. Tourlou. Tourlou. C'est quoi Tourlou? Tourlou à l'arvoyeur. Ah, c'est à l'arvoyeur. Tourlou. À tantôt. Tourlou. À tantôt, oui, à tantôt, oui. À plus. À plus, à tantôt. Tourlou. À tantôt, ça se dit au Canada? Oui, au Québec, oui. Au Canada, je sais pas. Parce qu'au Québec, oui, mais si tu vas ailleurs, je crois pas. Va à Toronto, là, tu vas avoir l'air. D'un extraterrestre. Je vais avoir l'air d'un gaguc. D'un gaguc. Exactement. On arrête là-dessus. Oh bah, merci beaucoup. Coupé. Coupé. Salut.